Chapitre 16e, le tribunal. Les magistrats prirent siège sur le banc. Quant à la chambre, la question était de savoir comment elle serait jamais vide de nouveau, tant elle était remplie. Sir Francis Levison n'avait là ses amis encore. Ceux-ci ne croyaient pas un mot de l'accusation. C'était un grand scandale, criait-il, soulevé probablement par quelques calomnies du parti écarlate et pourpre. Lord Mount Severn, qui désirait être présent, avait sur le banc une place assignée d'avance. Lord Vane prit la meilleure place qu'il put conquérir dans la foule. Monsieur le juge Eyre s'assit à la présidence, extraordinairement grave, inflexible et sévère. Il ne voulait montrer ni faveur ni faiblesse. Cela dut-il sauver son fils de la potence, il ne prononcerait pas la culpabilité de Francis Levison contre sa conscience. Le colonel Bethel était aussi sur le banc, l'air non moins sévère. M. Robbing était au procès pour le compte de Francis Levison. M. Ball ouvrit les débats. Racontant ce qui lui avait été rapporté par Richard Hare, mais ne mentionnant pas l'auteur des renseignements. On lui demanda où il avait pris ces informations, mais il répondit qu'il n'était pas à propos quant à présent d'en découvrir la source. La pierre d'achoppement pour les magistrats semblait être d'établir l'identité de Levison avec Thorne. Ebenezer James s'avança pour la prouver. « Que savez-vous du prisonnier, Sir Francis Levison ?» demanda le juge Herbert. « Pas grand-chose, » répondit M. Ebenezer. « Je le connaissais habituellement comme le capitaine Thorne. »« Capitaine Thorne ?» Affiali John l'appelait capitaine, mais je compris qu'il n'était que lieutenant. « Qu'est-ce qui vous a fait comprendre cela ?»« Affi, c'était la seule personne que j'ai jamais entendu parler de lui. » »« Et vous nous assurez que vous aviez l'habitude de le voir à l'endroit mentionné à l'Abbey Wood ?» Je l'ai vu là, plusieurs fois, ainsi qu'à la chaumière de Harley John. Avez-vous parlé avec lui comme s'il était Thorne? Deux ou trois fois. Je me suis adressé à lui en l'appelant Thorne, et il répondit à ce nom. Otto et Bethel, ajouta-t-il en jetant les yeux sur ce dernier, le connaissaient également sous le nom de Thorne, ainsi que le pauvre Harley John. Ce dernier dit un jour à Affi en ma présence qu'il ne laisserait pas venir chez lui cet insupportable dandy, Thorne. Sont-ce là les paroles dont il s'est servi? Oui. « C'est insupportable, dandy Thorne. » Je me souviens de la réponse de Affi. Elle était un peu insolente. Elle s'écria que Thorne était aussi libre de venir que tout autre et qu'elle ne permettrait pas qu'on pensât qu'elle n'était pas en état de veiller sur elle-même. Cela n'a rien à voir dans la question. Y avait-il d'autres personnes liées avec ce Thorne? Je pense que la sœur aînée Joyce l'était. Mais celui qui le connaissait le mieux que nous tous était le jeune Richard Hare. Qu'est-ce qui amenait Thorne dans le bois si souvent? Il faisait la cour à Affi. Avec l'intention de l'épouser, oh non ! S'écria M. Ebenezer avec une singulière contorsion des lèvres. Je ne suppose pas qu'il ait jamais nourri aucune intention de ce genre. Il venait ordinairement de Swainson ou des environs, monté sur un magnifique cheval. Dans quelle situation le supposiez-vous ? Je pensais qu'il appartenait au rang le plus élevé de la société. L'avez-vous vu dans la nuit où Harley John a été tué ? Non. Un soupçon, une époque quelconque, vous a-t-il traversé l'esprit que le capitaine pouvait bien être coupable de l'assassinat? Jamais. Depuis quand le connaissez-vous? Interrompit brusquement M. Robbing en s'apercevant que le témoin avait fini. Permettez, répondit M. Ebenezer, je ne puis pas être sûr, à une année près, sans calculer. Une douzaine d'années, s'il n'y a pas plus. Et vous prétendez dire que vous pouvez affirmer sous serment que Sir Francis Levison est l'homme dont vous parlez malgré ce long laps d'années écoulées? Je jure que c'est bien le même homme. Je suis aussi certain de son identité que je le serai de la mienne. Sans l'avoir vu de l'époque en question à aujourd'hui, répliqua dérisoirement l'avocat, vous ne savez ce que vous dites, témoin. Je n'ai pas dit cela, reprit M. Ebenezer. La cour ouvrit toutes grandes ses oreilles. L'auriez-vous vu dans l'intervalle? Demanda l'un des juges. Une fois. Où et quand? C'était à Londres, 18 mois environ après l'époque du meurtre. Quel rapport aviez-vous avec lui? Aucun. Je n'ai fait que le voir et tout à fait par hasard. Et qui supposiez-vous qu'il fût alors, Thorne ou Levison? Thorne, sans aucun doute. Je n'ai jamais songé qu'il peut être Levison, jusqu'à ce qu'il se montrât ici l'antagoniste de M. Carlyle. À ces mots, le cœur de Sir Francis retentit d'une rude et sauvage imprécation. Quel démon l'avait poussé à aventurer son coup dans l'antre du lion? Appelez Aphrodite Hallijohn, s'écria le juge. La dame parut accostée de son ami le policeman. M. Ball exprima le désir que M. Ebenezer James quittât la salle pendant qu'elle ferait sa déposition. Sans nul doute, il avait pour cela ses raisons. « Quel est votre nom ? » La fille, répondit-elle, lançant un regard furieux sur chacun et tournant soigneusement le dos à Francis Levison et Otway Bethel. « Votre nom tout entier, s'il vous plaît. On ne vous a pas baptisé la fille. » Aphrodite Hallijohn, vous savez tous mes noms aussi bien que moi-même. À quoi bon faire d'inutiles questions ?»« Faites prêter serment au témoin, » dit le juge Hare. C'était le premier mot qu'il prononçait. « Je ne prêterai pas serment, » dit la fille. « Vous devez le faire, » insista le juge Harbord. « Je n'en ferai rien, » répéta la fille. « Nous devons alors vous mettre en prison pour injure à la cour. » Le ton du juge était inflexible. La fille pâlit, Sir John Dobed intervint. « Jeune femme, avez-vous trempé dans le meurtre de votre père, moi ?» s'écria la fille, bouillonnante d'indignation, de passion et de colère. « Comment osez-vous me faire une question aussi dénaturée, monsieur ? C'est le meilleur des pères, » ajouta-t-elle en luttant contre ses larmes. « Je l'aimais tendrement. J'aurais pour sauver sa vie donné la mienne. Et cependant, vous refusez de faire une déposition qui puisse aider à livrer son assassin à la justice. Non, je ne refuse pas à ce point de vue. Mais qui sait la foule de questions que vous m'offrez sur des choses qui ne regardent ni vous ni d'autres ? C'est là ce qui m'arrête. Nous n'avons à discuter que ce qui a trait au meurtre. Les questions qu'on vous fera y auront rapport. » La fille réfléchit. « C'est bien, vous pouvez recevoir mon serment. » Elle avait peu d'idées du large cercle dans lequel rouleraient les questions. Elle prêta serment en conséquence, fort à contre-cœur cependant. Car la fille, qui en dehors du serment aurait dit des mensonges au boisseau, regardait cet acte comme chose sérieuse et se sentait poussée à confesser la vérité sous le sceau du serment. « Comment êtes-vous arrivé à vous lier avec le capitaine Thorne ?»« Là !» s'écria la fille déconcertée. « Voilà déjà que vous commencez. Vous avez fait serment de répondre aux questions qui vous seraient posées. » fut l'inexorable réplique. « Comment êtes-vous arrivé à vous lier avec le capitaine Thorne ?»« Je l'ai rencontré à Swainson, » fit la fille d'une humeur de dogue. « J'étais sorti un jour pour un moment de distraction et je l'ai rencontré dans la boutique d'un pâtissier. » « Et il est tombé amoureux de votre joli visage ?» dit l'avocat Ball, reprenant l'interrogatoire. À ce grain d'encens pour sa vanité, la fille oublia presque ses scrupules. « C'est vrai, » répondit-elle en jetant sur la cour un regard fascinateur. « Il sut tirer de vous où vous demeuriez, et il commença à vous faire la cour. Il allait à cheval, vous voir presque chaque soir. Eh bien, il n'y avait pas de mal à cela. « Oh, certainement non, » admit l'avocat sur un ton agréable et ouvert, pour mettre le témoin à son aise. « Je dois dire qu'il y avait plutôt du bien. Je souhaiterais avoir une pareille chance. Le connaissez-vous à cette époque sous le nom de Levison ? Non, il prétendait être le capitaine Thorne, et je le croyais ainsi. Saviez-vous où il résidait ? Non, il ne me l'a jamais dit. Je croyais qu'il passait momentanément quelque temps à Swainson. Eh bien, mes bons dieux, quel joli chapeau vous avez sur la tête ! La fille, dont l'insigne vanité était le péché mignon, et qui n'avait provision pour 10 femmes charmantes, jeta du coin de l'œil un regard sur le chapeau admiré et fut tout à M. Ball. Et combien se passait-il de temps depuis votre première rencontre avec lui jusqu'à ce que vous eûtes découvert son vrai nom ? Pas longtemps, quelques mois. Après le meurtre, je présume ? Oh oui. Les yeux de M. Ball lancèrent une œillade et, sans s'en apercevoir, affilissa d'un doigt quelques mèches de ses cheveux. Outre le capitaine Thorne, quels sont les autres individus qui étaient dans le bois la nuit du meurtre ? Richard Hare était là, Otway Bethel et Locksley y étaient aussi. Lequel des deux, Hare ou Thorne, était dans l'intérieur de la chaumière avec vous ? Affy laissa de côté sa vanité et hésita. Elle commence à se demander où en voulait venir de pareilles questions. « Vous avez prêté serment, témoin, » tonna le juge Hare. « Si c'était Richard Hare qui était avec vous, dites-le. Mais il ne doit pas y avoir de faux fuyants sur ce point. » Affy fut terrifiée. « C'était Thorne, » répondit-elle à M. Ball. « Et où était Richard Hare ?»« Je n'en sais rien. Il est venu, mais je l'ai renvoyé. Je n'ai pas voulu le recevoir. »« A-t-il laissé un fusil chez vous ?»« Oui. C'en était un qu'il avait promis de prêter à mon père. Je l'ai mis juste en dedans de la porte. Il m'a dit qu'il était chargé. »« Combien de temps s'écoula-t-il après cela, avant que votre père vint vous interrompre ?»« Il ne nous a pas interrompus du tout, » répliqua la fille. « Je n'ai plus vu mon père que mort. » N'étiez-vous pas dans la chaumière tout le temps ? Non. Nous étions allés faire une petite promenade derrière la maison. Le capitaine Thorne me dit adieu en cet endroit. Avez-vous entendu partir le coup de fusil ? J'ai entendu un coup de fusil. J'étais assis sur un tronc d'arbre, livré à mes pensées, mais je n'attachais pas d'importance au bruit, ne supposant pas qu'il eût éclaté dans la chaumière. Qu'est-ce que le capitaine Thorn avait à prendre dans la chaumière après qu'il vous eut quitté? Qui avait-il laissé? Ceci était un trait à l'aventure. L'avocat Ball, homme pénétrant, avait bien pesé tous les points du récit que lui avait fait Richard, aussi bien que les autres aspects de la cause. Il les avait animés de ses propres déductions et parlait en conséquence. Affy était prise. Il avait laissé son chapeau, pas autre chose. Il vous en a dit assez, je pense, pour vous convaincre de la culpabilité de Richard Hare. Autre trait lancé au hasard. Je n'avais pas besoin d'être convaincu. Je la connaissais bien sans cela. Tout le monde, d'ailleurs, le savait. Assurément, reprit du même ton l'avocat Ball. Le capitaine Thorn a-t-il vu le crime s'accomplir? Vous l'a-t-il dit? Il avait pris son chapeau et fait quelques pas dans le bois quand il entendit des voix dans la chaumière et reconnut l'une d'elles pour être celle de mon père. Le coup de fusil suivit de près, et le capitaine devina que quelque mal venait de se faire sans en soupçonner toute l'étendue. « Thorn vous a dit cela ? Quand ?»« La nuit même, beaucoup plus tard. »« Comment êtes-vous arrivé à le voir ?» Affy hésita, mais on l'adjura sévèrement de répondre à la question. « Un jeune garçon, vint à la chaumière, m'appela dehors et me dit qu'un monsieur étranger désirait me voir dans le bois et lui avait donné 12 sous pour venir me demander. » J'y allai et trouvai le capitaine Thorn. Il me demanda ce qui était advenu de tout ce bruit, et je lui dis que Richard Hare avait tué mon père. Il me dit que maintenant que je lui parlais de lui, il reconnaissait que dans la dispute l'autre voix était bien celle de Richard Hare. Quel jeune garçon était-ce? Le petit garçon de la mère Whitman. Et le capitaine Thorn vous a donné alors cette version de toute la tragédie? C'était la version exacte, dit Affy avec ressentiment. Comment le savez-vous? Ou parce que j'en suis sûr. Quel autre l'aurait tué que Richard Hare? C'est une honte et une infamie de vouloir faire tomber le crime sur Thorn. Regardez le prisonnier, Sir Francis Levison. Est-ce bien lui que vous connaissiez sous le nom de Thorn? Oui, mais cela ne le rend pas coupable du meurtre. Certes non, acquiesça complaisamment l'avocat Ball. Combien de temps êtes-vous resté avec le capitaine Thorn à Londres pour cette petite visite, vous savez? Affy resta immobile, foudroyé. Quand vous avez quitté cet endroit, après la tragédie, c'était pour rejoindre le capitaine Thorn à Londres. Combien de temps, je vous le demande, êtes-vous resté avec lui? Autre trait tout à fait à l'aventure. Mais Richard avait nié absolument à l'avocat Ball la réalité du bruit populaire qui assurait qu'Affy avait été avec lui. Qui dit que j'étais avec lui? Qui dit que je suis allé le retrouver? Éclata Affy, les joues empourprées. Moi, répliqua l'avocat Ball, prenant bonne note de sa confusion. Voyons, c'est passé et complètement fini. Cela ne sert à rien de le nier à cette heure. Nous allons tous visiter nos amis de temps en temps. Je n'ai jamais rien entendu de si audacieux, s'écria Affy. Où voulez-vous dire que j'étais ensuite? Vous avez prêté serment, dit de nouveau le juge Hare, et une sorte de tremblement, comme d'agitation, se manifesta dans le ton de sa voix, et en dépit de sa retentissante sévérité. Étiez-vous avec le prisonnier Levison, ou étiez-vous avec Richard Hare? Moi? Avec Richard Hare? S'écria Affy, agitée à son tour et tremblante comme la feuille. Comment osez-vous me jeter ainsi de nouveau à la face un si cruel mensonge? Je n'ai jamais vu Richard après la nuit du meurtre, je le jure. Je jure que je ne l'ai jamais vu depuis le visiter. J'aurais plutôt rendu visite à Colcroft, le bourreau. L'accent de la vérité était dans les paroles et dans le ton. Le président laissa tomber la main qu'il portait à son visage pour relever ses lunettes. Allons, dit l'avocat Ball du ton de la cajolerie. « Soyons conciliants, je le veux bien. Vous n'étiez pas avec Richard Hare. Westline est toujours disposé à la médisance. Vous étiez seulement en visite près du capitaine Thorn, comme toute autre jeune dame aurait pu être. » Affy pencha la tête courbée par une profonde humilité. « Répondez à la question, » s'écria de nouveau avec un grand éclat de voix le président. « Étiez-vous avec Thorn ?»« Oui. » Et la réponse fut faite d'une voix assez faible. Monsieur Ball toussa d'une toux insinuante. « Êtes-vous resté avec lui, dites, 2 ou 3 ans ?»« Pas 3. »« Un peu plus de 2, peut-être ?»« Il n'y avait pas de mal à cela, » murmura Affy avec un soupir de colère. « Certainement. »« Où était le mal ?»« Je ne veux pas dire qu'il n'y en eut aucun, » reprit l'avocat Ball en clignant de l'œil. « Et durant le temps où il vous faisait ses petites visites, saviez-vous que c'était Levison ?»« Oui, je le connaissais alors pour être le capitaine Levison. » Vous a-t-il jamais révélé pourquoi il avait pris le nom de Thorn? Pure fantaisie, a-t-il dit. Le jour où il me parla dans la boutique du pâtissier à Swinson, l'idée lui prit, sous l'inspiration du Mans, de ne pas donner son vrai nom. et alors il donna le premier qui lui vint à l'esprit. L'avocat Ball communiqua quelques mots à un officier du tribunal et le témoin se retira. Ebenezer James revint et prit la place de Affy. « Vous avez tout à l'heure fait connaître à leur seigneurie que vous aviez rencontré Thorne à Londres, quelques 18 mois après l'assassinat, » commença l'avocat Ball, lançant un autre de ses traits. « Cela doit être durant l'époque du séjour d'Affy avec lui. L'avez-vous vu aussi, elle ?» M. Ebenezer ouvrit de grands yeux. Il ne savait rien de la déposition d'Affy et s'étonnait qu'on fût venu à savoir qu'il eût été avec Thorne. Il n'avait jamais trahi ce secret. « Affy ?» bégaya-t-il. « Oui, Affy, » reprit aigrement l'avocat. « Leurs seigneuries savent que, lorsqu'elle fit cette escapade au West Line, c'était pour rejoindre Thorne, et non Richard Hare, quoique ce dernier t'a endossé pour son compte le bruit public. Je vous demande, l'avez-vous vu ? Car elle était alors encore liée avec lui. « Eh bien oui, je l'ai vu, » répondit M. Ebenezer, ses propres scrupules disparaissant. Mais encore stupéfait que cela eût été découvert. Rapportez les circonstances. J'étais sur le chemin de Paddington, une après-midi, et je vis une dame entrer dans une maison. C'était Affy Hallijohn. Elle avait l'air des appartements avec salon. Elle m'invita à prendre le thé avec elle, ce que je fis. Avez-vous vu le capitaine Levison ? J'ai vu Thorne, au moins celui que je croyais être Thorne. Affy me dit de partir à 8 heures, car elle attendait un ami. J'avais à peine franchi la porte, qu'un cab arriva, et Thorne mit pied à terre et s'introduisit dans la maison à l'aide d'un passe-partout. C'est là tout ce que je sais. Quand vous avez appris que le scandale de l'absence d'Affy était à la charge de Richard Hare, pourquoi n'avez-vous pas rapporté tout ceci pour le disculper à votre retour à West Line ? Il ne m'appartenait pas de rendre tout ceci public. Affy m'avait demandé de ne pas dire que je l'avais vu. Arrêtez un moment, fit M. Robbing, au moment où le témoin allait se retirer. En parlant du temps, vous disiez qu'il était 8 heures du soir, monsieur. Faisait-il obscur ? Oui. Alors comment pouvez-vous être sûr que c'était Thorne qui sautait de voiture et entrait dans la maison ? J'en suis tout à fait sûr. Il y avait une lampe à gaz juste à l'endroit, et je l'ai vu aussi bien qu'à la clarté du jour. D'ailleurs, j'ai aussi reconnu sa voix. Sa voix ? Vous a-t-il parlé ? Non, mais il a parlé au cocher. Il y eut presque dispute entre eux. Le témoin suivant était un homme qui avait été groom chez le défenseur Peter Levison. Il certifiait que le prisonnier, Francis Levison, avait été en visite près de son défunt maître tout l'été et une partie de l'automne, l'année que Hallijohn avait été tué, qu'il partait fréquemment en cheval dans la direction de West Line, surtout vers le soir, restait éloigné 3 ou 4 heures, et revenait à la maison sur le cheval couvert d'écume. Lui, témoin, avait ramassé 2 lettres à différentes époques que M. Levison avait par inattention laissé tomber dans sa poche et il les lui avait remises. Les 2 billets avaient pour adresse « Capitaine Thorne », mais la poste ne les avait pas apportés et elle n'avait pas de souscription plus détaillée. L'écriture paraissait celle d'une dame. « Il se souvenait très bien, » ajoutait le témoin, en réponse à une question, d'avoir entendu parler du meurtre de Hallijohn. Cela avait fait grand bruit dans tout le comté. C'est juste à la même époque que M. Levison mit fin à sa visite et retourna à Londres. « Admirable mémoire !» remarqua ironiquement M. Robbing. Le témoin, homme tranquille et honorable, répliqua qu'il avait en effet une bonne mémoire. Le dernier témoin convoqué fut M. Dill. Le soir du mardi précédent, il retournait chez lui, après avoir dépensé 1 heure à la maison de M. Beauchamp, lorsque dans le champ vis-à-vis de la maison de M. Hare, il entendit tout à coup une altercation. Cela provenait de la rencontre de Sir Francis Levison et d'Otway Bethel. Le premier paraissait avoir fait une solitaire promenade au clair de lune, et le second l'avoir rencontré par hasard. Des mots s'ensuivirent, Bethel accusait Sir Francis de l'exploiter. Sir Francis répondait avec aigreur qu'il ne savait rien de lui et désirait fort n'en rien savoir. « J'étais assez satisfait de me connaître quelque peu, la nuit du meurtre de Hallijohn, » répliqua Bethel. « Savez-vous que je pourrais vous faire pendre ? Un simple mot de ma part, vous seriez bientôt à la place de Richard Hare. »« Fou que vous êtes !» s'écria avec colère Sir Francis. « Vous ne pourriez me faire pendre sans mettre votre propre cou dans le même nœud de corde. N'avez-vous pas reçu l'argent pris de votre silence ?»« Un pauvre misérable billet de 50 livres !» écumait Otway Bethel. « Je n'y aurais jamais touché, si ce n'est que j'étais bouleversé dans la confusion du premier moment. » La discussion continua plus longtemps, mais c'en était là la principale substance. M. Dill l'avait tout entendu et le répétait maintenant au magistrat. M. Robbing protesta que cela était inadmissible. « Témoignage, par où y dire, contraire à la loi. Mais le banc des juges fit magistralement taire M. Robin. Le colonel Bettel s'était appuyé en avant. À la conclusion du témoignage de M. Dill, le malaise passe sur son visage et l'agitation dans la voix. Êtes-vous sûr de n'avoir pas fait de méprise et que le second interlocuteur fut Otto et Bettel? M. Dill secoua tristement la tête. Suis-je homme à prêter un faux serment, colonel? Je voudrais ne pas l'avoir entendu, si ce n'est que cela peut servir à décharger Richard Hare. Sir Francis Levison avait jusqu'alors bravé les débats avec un air hautain et cavalier. Cependant, lorsque M. Dill fit sa déposition, quel changement s'opéra? Sa hauteur se convertit en une espèce de terreur abjecte et il trembla des pieds à la tête. Sans doute vos seigneuries recevront caution pour Sir Francis, dit M. Robin à la fermeture des débats. Caution! Les juges s'entre-regardèrent. Vos seigneuries ne refuseront pas cela à un gentleman dans la situation de Sir Francis Levison. Les juges pensèrent que jamais proposition si insolente ne leur avait été faite. Caution pour lui, sous le poids d'une pareille accusation. Non, quand le Lord Chancelier en personne viendrait pour l'offrir. M. Otto et Bettel apprécient probablement que personne, pas même le colonel, n'offrirait caution pour lui, ne pria pas les juges de la recevoir. Aussi les deux prisonniers furent-ils renvoyés à l'unanimité pour être jugés pour meurtre prémédité, c'est-à-dire meurtre et assassinat de George Hallijohn, et avant la nuit, ils furent en route, dirigés sur la prison du comté à Lyneborough. Et cette belle fille à la mauvaise étoile, qu'était-il advenu d'elle? Eh bien, Affy s'était retirée à la chambre des témoins après avoir rendu témoignage, et elle resta là jusqu'à la fin, agréablement occupée à une discussion mentale. Que fera-t-on de ses aveux concernant son séjour à Londres et les visites du matin? Elle n'y ferait pas attention, elle braverait tout, elle répondrait en faisant tonner son indignation si quelqu'un osait lui jeter la pierre. Telle était sa détermination finale, au moment juste où les débats se terminèrent. « Comment cela a-t-il fini ? » demanda-t-elle à M. Ball. « Ils seront envoyés tous deux pour accusation de crime prémédité. Ils seront en route pour Lyneborough dans une heure. » Affy devint froide à ses paroles. Le moment solennel où la conviction que les paroles qu'elle venait d'entendre étaient vraies se fit jour en elle, suffit à la dégriser pour toute une existence. Thorn, sa vue s'obscurcit, sa tête vacilla, le cœur vint à lui manquer tout à fait. Un irrésistible cri de douleur s'échappa de sa poitrine et pour la seconde fois de la journée, Affy Hallijohn s'évanouit. Cris, sifflets, malédictions, hurlements, les prisonniers sortaient pour être transférés à Lyneborough. Tout un poste de constable fut nécessaire pour les protéger contre la colère de la foule, colère qui ne s'adressait pas directement à Otto et Bettel, mais à Sir Francis Levison. Sentant fléchir ses genoux comme un misérable criminel qu'il était, il frissonnait, cachant sa blanche figure, se demandant si ce serait une répétition de la verte mare du juge R, ou si on allait le déchirer en morceaux, et maudissant la terre parce qu'elle ne s'en trouverait pas pour l'engloutir.